Navarro, aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, com este grande sucesso a tu, Maria. Agora quem vem aí vai ser Linda de Souza. Ela vai nos interpretar o tema para todas as avós do mundo, Terna Avózinha. Velhinha cansada, cabelos de neve, a cara enrugada, a mão já lhe treme, caminha curvada. Os filhos criados, os netos também. Ai, tantos cuidados, é avó e mãe, trabalhos dobrados. Ainda lava a roupa, ainda cai a casa. A saúde é pouca, ainda acende a brasa para fazer a sopa. Ai, terna vozinha, cheia de amor e de amizade, eterna velhinha que tem à noitinha olhar de saudade. Ai, terna vozinha, os netos, vestido, os olhos sorrindo, ar apaixonado, juntam a canção, ternura esquecendo, ao pé da laranja, e dessa maneira, os dois vão viver. Ai, tá na vozinha, cheia de amor e gosta da sua avózinha. Nós todos temos um carinho especial por as avós. Portanto, e agora foi o Sr. Ricardo que ligou para pedir uma canção para todas as avós do mundo e especialmente para todas aquelas que já partiram, que nos estão a ouvir lá em cima, certamente, e para todas aquelas que ainda estão nesta terra. Então foi da parte do Sr. Ricardo. Vamos ouvir Marisa. Mãe, descobri que o tempo para e o mundo não separa o meu coração do teu. Eu sei que essa coisa rara aumenta, desassossega, mas para quando o teu tempo é o meu. Já tenho idade para saber que em verdade em cada verso teu onde tu estás estou eu. Mãe, contigo o tempo para, nosso amor é coisa rara e cuidas de um beijo meu. Sei que em cada gesto teu está teu coração no meu. Mãe, canta com vaidade porque já tenho idade para saber verso teu, onde tu estás, estou eu. Se pudesse mandar no mundo parar o tempo à minha vontade, pintava teu coração com as cores da felicidade em cada gesto. Esta balada de Marisa, aqui com o tema Mãe. Agora mais uma canção da Avózinha, vai nos ser interpretada pelo grupo Mundo Novo, e mais uma vez, então, para todas as Avózinhas do mundo. Quem não gosta da sua avó? E ela também gosta de receber mensagens dos netos. E por que não? Uma simples mensagem já é uma grande prenda para a avó. Não se esqueçam da avó hoje. Cabelos brancos, na tua cadeira sentada, teus olhos. Mais um ano, tu és a mais carinhosa. Espero que a música esteja do vosso agrado. Nós aqui estamos a passar um bom momento. Hoje, aqui no programa do Telefone Toca, vamos ter dois convidados especiais. O Sr. David Gomes, que tem uma empresa de seguros. Ele vai nos falar do seu como segurar um carro, um automóvel, uma casa, etc, etc. Por que não? E vocês podem pôr algumas perguntas. E também, ele também faz... política faça e como são os votos, brevemente, portanto, ele também nos vai falar de votos, como votar, etc, etc. E também vamos ter aqui a senhora Cristina, presidente da Rádio Arc-en-Ciel, que nos vai falar também, ela é atualmente a conselheira aqui de Orleans. Portanto, ela vai-nos também falar desse seu novo trabalho. Vamos então continuar. Eles depois vão se apresentar livremente aqui durante a manhã. Fiquem atentos aqui ao nosso programa. Agora continuamos com a nossa música, pois também é para isso que estamos aqui, para levar o melhor da música portuguesa. E que música vem aí? Os Damas, uma voz que eu adoro, e eles vão nos interpretar então a música Mãe. Trazendo-vos nossas dores e também nossas esperanças, Rainha da Paz, rogai por nós. Mãe, sei que digo que te amo muito menos do que tu mereces, e que hoje em dia me dás colo muito menos do que queres. Mas olha, eu vou passar aí em casa, passear os olhos nas fotografias que guardas na sala, levar-te um girassol que vais pôr no vaso da entrada, para te compensar do meu quarto vazio, vazio. Mãe, eu sei que não há viagem que tu não penses desde que eu chegue bem. Mãe, eu vou viver além da margem, responder à tua mensagem ainda hoje. Eu ando longe, e mesmo longe, ando debaixo da tua asa. Mãe, só fechar os olhos para sentir que estás aqui comigo. Continuo igual o mesmo puto a tentar ser mais crescido. E tu neto é um pirata como eu era. E quando levas cola lembro quando és tu que me deixavas. Tu és a mão, amparo, vento e chuva na minha cara. E as canções nunca vão tirar as saudades de ti. Pensas a Deus que eu chego bem. Mãe, eu vou viver além da margem, responder à tua mensagem ainda hoje. Tu ando longe, mesmo longe, por cada Ave Maria, por cada dia e cada noite mal dormida. Ensinares que é no amor que eu encontro respostas para a vida. Nem sempre como tu querias, eu sei. Mãe, eu sei que não há viagem que tu não peças a Deus que eu chegue bem. Oh, Estão à escuta da Rádio Arco-Íris no 96.2. Hoje um dia muito especial, Dia das Avós. E também, como disse há um bocadinho, vamos ter aqui especialmente dois convidados. David Gomes, que nos vai falar da sua empresa de seguros, e não só, também um bocadinho de política, porque brevemente são os votos. E também a Dona Cristina, Presidente da Rádio Arco-Conselho, ela vai se apresentar como Conselheira das Comunidades, que também vai nos falar do seu novo... novo emprego, assim se pode dizer. Não é verdadeiramente um emprego, mas portanto ela vai nos falar também disso. Esperamos, estamos à espera dela. O David Gomes já está aqui, mas entretanto vamos ficar com a música bem portuguesa, Ágata, Aleluia. Neste tempo de quaresma é bom também um bocadinho de repouso e ouvir estas vozes. Aleluia, Ágata. E derramar-me aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e adorar-te com tudo que eu sou e render-te glória. Depois, sozinha não esquentar. Minha cama foi. Oui, c'est ouvert. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Lionel. Bonjour Jérôme, aussitôt arrivé. Tout de suite, il est un peu plus de 10h30. J'espère que tout le monde va bien. Tu vas bien? Ouais. J'ai bien entendu tout ça. C'est la fête des grands-mères. Voilà. Alors, nos auditeurs, ils peuvent en profiter. Hein, pour 02 38 43 48 00 pour toutes vos dédicaces, choisir vos musiques préférées. On est là pour ça. On est en train d'écouter un extrait de Kalem, c'est ça? C'est tes petits chouchous, j'ai l'impression. Ouais, je vous aime bien en ce moment avec leur dernière chanson. Je vois ça, je vois ça. D'ailleurs, tu as passé un artiste. En tout début, je connaissais pas, j'ai bien aimé Soldat Mirfleitas. Ouais, c'est sa dernière chanson, elle a un peu, il est de Madère. C'est ce que j'avais, en fait, du coup, j'ai regardé, il est de, effectivement, il est de Madère. J'aime bien sa voix, c'est une voix chaude. Ouais. En tout cas, on est là jusqu'à 12h30. Exactement. On a des invités ce matin. Qui vont prendre l'antenne. Qui connaissent bien les micros de Radio Arc-en-Ciel. Qui connaissent très bien, qui prendront le micro d'ici quelques instants et qui viendront, on les laissera parler tout simplement. On écoute. Ils nous ont emmené un petit parfum de Cap Vert. Hein. Du soleil en tout cas, ouais. C'est sûr. J'en connais qui sont au Cap Vert, j'espère qu'ils en profitent. Écoute, qu'ils en profitent bien. On continue avec en musique, juste un petit rappel que vous entendez déjà depuis quelques semaines, tous les jours. C'est la fameuse soirée organisée par Radio Arc-en-Ciel le 13 avril prochain avec Georges Frayle, une soirée exclusive puisque Georges Frayle sera là avec ses musiciens en live à la salle Montition à Saint-Jean-de-Blanc. Tout ça, c'est le 13 avril prochain. Les billets sont déjà en vente. Vous pouvez les retrouver dans différents points de vente, notamment ici à Radio Arc-en-Ciel, et puis sur notre site également, www.radio-arc-en-ciel.com, et puis bien sûr quelques points de vente comme les établissements Mariano à Blois, à Semois, à Sadoti, Picou, Canting de Nossa Terre à Orléans-la-Source, Ugrilo, Le Tamarich, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre, Panier du Monde. Les paniers du Monde également. Bon, voilà. Et je crois que c'est tout. Différents, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Différents points de vente. Les billets sont en vente à 15 euros en prévente, donc jusqu'au 13 avril midi, dans l'après-midi. Et encore dans l'après-midi, parce que les points, les, après, on ça les sera unique. Ouais, on les voilà, enlèvera. Ça sera uniquement sur Internet. Vous pourrez éventuellement uniquement sur Internet. Et quoique, j'aurais tendance à dire, attention, plutôt la veille, jusqu'au 12 avril. Ne tentez pas le 13 avril parce que. Alors, faut mieux imprimer votre feuille, hein. Mais bon, sinon, il y a le QR code, hein. Ouais, c'est ça. Vous avez, quand vous achetez sur Internet, vous avez un QR code avec, vous pouvez imprimer votre billet, vous venez, et puis voilà. Et donc, il n'y a pas de queue. Et surtout, vous payez 15 euros au lieu de 20. Ouais, ça permet d'acheter une eau de bois sans en plus. Voilà, exactement. voilà. Donc, tout ça, c'est le 13 avril prochain, dans un tout petit peu plus d'un mois. Ça arrive vite, hein. Salle Montisson à Saint-Jean-Blanc, une organisation de Radio Arc-en-Ciel. Eh bien, on va écouter. Et pourquoi 15 et 20 euros? Pourquoi, pour quelle raison? Un peu plus cher que d'habitude quand il y a juste un artiste. Ah, tout simplement parce que ce sont. C'est des grands artistes. C'est une soirée live que tous les musiciens viennent de loin et donc il y a des frais de transport, il y a des cachets à verser, tout ça, c'est un coût, hein, forcément. Et donc voilà, c'est comme quand vous allez voir Céline Dion ou Julie Pietri, le non pas que je veux attention qu'est-ce qu'il chantait Julie Pietri déjà Ève, lève-toi. Ah, ouais. Voilà, mais le prix du billet n'est pas le même. Bah oui. Et là, vous pouvez profiter, vous pouvez danser avant et après à le spectacle. Hein, exactement, aussi. Puisque José Baltazar sera parmi nous pour animer la soirée. Vous pouvez venir à partir de 20h. Il y aura un service de snacking spécialité portugaise. Bifanes, moelle, sandwich. Oui, plein de choses pour grignoter, pour manger, pour partager. Hein. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Il n'y a plus qu'à acheter. Il n'y a plus qu'à, voilà, et venir. On écoute Mikael Querelle avec... Je vois pas d'ici. Matias Damas. Não há mais cama, nem mais beijos, nem nada que nos defina como casal. Nem mesmo tempo e o teu silêncio vão apagar o que é imortal. O café aqui em casa tem o mesmo cheiro e aos fins de semana a mesma música a tocar. Será que ainda me olhas desse mesmo jeito e no silêncio ainda chamas por mim? Como te procurei, o que eu já chorei pelos cantos do mundo, teu nome chamei. O que eu procurei, o que eu já chorei, pelos cantos do mundo, teu nome chamei. O meu lençol tem o teu cheiro, fica difícil de acordar sem ti aqui. Será que acordas mesmo jeito? Será que alguém te faz feliz como eu fiz? O café aqui em casa tem o mesmo cheiro e aos fins de semana a mesma música a tocar. Será que ainda me amas desse mesmo jeito e no silêncio ainda chamas por mim? Como eu te procurei, o que eu já chorei, pelos cantos do mundo o teu nome chamei. Como eu te procurei, o que eu já chorei, pelos cantos do mundo o teu nome chamei. Ah, diz-me onde tu estás, porque eu não sou capaz de viver mais assim. Eu não aguento mais, devolva minha paz, nem que seja mentira. Tarariraê, Michael Carreiro, Matias Damasio. On continue en musique avec une nouvelle artiste qui que j'ai connue il y a très longtemps, qui vient de se lancer. Enfin, il y a très longtemps, il y a quelques temps, on va dire. C'est-à-dire que j'ai partagé des soirées avec. Elle fait partie. Je ne sais pas si elle fait toujours partie de ce groupe. Si, elle fait partie. Elle fait toujours. Oh, d'accord. Donc, elle fait partie d'un groupe de bal qui s'appelle Fréquence, qui est situé à Pau. Qui est situé à Pau. Et elle est très amie, enfin elle est très amie, elle connaît très bien Ruth Marlène, et donc on a partagé des événements avec avec Capanegra, donc à Pau, puisque ce groupe Fréquence de Pau organise un festival tous les ans vers le mois de mai, vers le lundi de Pentecôte, je crois. Et du coup, on a partagé des scènes et je l'ai découverte. J'ai découverte à ce moment-là, c'est-à-dire que quand on a échangé ces trucs. Et donc, elle a toujours eu cette volonté de se lancer et de faire en solo avec probablement l'aide de Ruth Marlène. Et donc là, elle a lancé deux titres. Normalement, il y a un album qui devrait arriver. Elle a signé avec la maison Vidisco. Ouais, c'est une grande maison de disques au Portugal. Hein, elle a signé avec Vidisco. Il y a José Mayo, enfin tout un tas d'artistes. Hein. Exactement. Et donc, elle s'appelle Daniela Henrich. Et en première main, on peut le dire. Elle devrait être présente. C'est signé. C'est acté. Elle devrait être là. Elle devrait être parmi nous, avec également le groupe Fréquence, lors de la Saint-Jean 2024, organisée par Radio Arc-en-Ciel. Notez déjà les dates. Ce sera 5 et 6 ou 6 et 7, attends, je suis en train de regarder. C'est le week-end. Le 6 et le 7 juillet. 6 et 7 juillet 2024, ce sera donc là. Alors normalement, s'il n'y a pas de l'année dernière de manifestation, de choses, c'est prévu. Avec les Jeux Olympiques qui arrivent, on peut s'attendre à tout. C'est à les agriculteurs qui font. En tout cas, elle devrait être sur Orléans le 6 et 7 juillet. Donc à découvrir. Il y a une des deux chansons que je préfère. Voilà. C'est laquelle que tu préfères? C'est pas celle-ci, c'est l'autre. Bah, on va mettre l'autre, hein, allez. C'est l'autre. Elle est très kizomba. On écoute. Tu vais embora, não vais voltar. E nem comigo queres falar. Já decidiste a liberdade. Com ela, o que fazias comigo? Não chamas mulher, nem falas teu marido. Estás a Voilà. C'est entraînant. Voilà. Daniela Henriques, Como Eu Te Amo. Pour l'instant, il y a deux chansons. On écoutera l'autre prochaine, enfin, un peu plus tard. Et voilà. Donc, ben, c'était le moment de partager. On continue avec, Miguel Azevedo et, avec, El Chateau portugais. Ah, ok. Et, c'est une nouveauté. On écoute, c'est un peu, en vogue, hein, la musique gitane. C'est très gitane, gypsy, peu, gypsy, c'est ouais, ça? Voilà. On écoute. Olé, olé, olá, un ritmo con alegría, baila de noite, baila de día, es un ritmo para Portugal. Olé, olé, olá, un ritmo con alegría, baila de noite, baila de día. Cheio de fogo, cheio de amor, que se ilumina com alegria, com a alegria desta canção. Déjate llevar, pinta la vida de mil colores, siéntete libre como las flores, como la luna y el mismo sol. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a gozar de felicidad. Protagonista da minha vida, minha fonte de inspiração. Déjate llevar, pinta la vida de mil colores, siéntete libre como las flores, como la luna y el mismo sol. Vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a gozar de felicidad. Este es un ritmo para Portugal, ole, ole. Ben voilà, un mélange de plusieurs styles musicaux, hein, gypsy, un peu folklore, un peu voilà populaire. De rumba, de machin. 0238 43 48 00 pour toutes vos dédicaces. Choisir vos musiques préférées, on est là jusqu'à midi et demi. On continue avec Claudia Nava, La Yara. Ah oui, ouais, c'est ça. Já tive mil desgostos, deixando em meu rosto as marcas de uma vida sem carinho. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço rumo e esqueço o meu destino. Eu sou feliz, esqueço de mim, até no amor não sinto dor, dançando rumo. Fui abandonada e também condenada a uma vida que eu não quis para mim. Já tive mil desgostos, deixando em meu dor rosto, as marcas de uma tristeza sem fim. Mas para acalmar a dor e o mal que me destrói, eu danço rumo e esqueço o meu destino. Eu sou feliz, esqueço de mim, até no amor não sinto dor. Dançando rumba, dançando rumba. Eu sou feliz, vivo a sorrir, até meu olhar não chora mais. Dançando rumba, dançando rumba, rumba cigana. Vem montadas no tacão, vem descendo até ao chão. Todas querem provocar, bem gostosas rebolar. Qual a miúda que o dançar me conquista? E vai para cima, todo mundo sente o clima. Mãos ao ar é condição, grita só da emoção. Todo mundo sente o clima, vamos embora é condição, grita só da emoção. Hoje dançam as gostosas. Lê, lê, lê, lê. já, já estamos perdidas. Ela já tá com ela, sexta-feira até domingo é sempre assim. Depois vem a ressaca, só terça ou quarta é que tu voltas por mim. Ela já tá com ela, sexta-feira até domingo é sempre a dar. Depois vem a ressaca, só terça ou quarta tu voltas a levantar. Cada vez que vais sozinho ao bailarito, dá sempre nisto, dá sempre nisto. A loirinha toma conta do pedaço, e a bota acima e bota abaixo. Só uma noite vai e não vai, não acho nada demais. E até gosto quando chegas, quando são duas ou três. Melhor dizer-te outra vez, amor, se escondes, mas não metas. Ela já estás com ela, sexta-feira até domingo é sempre assim. Depois vem a ressaca, só terça ou quarta é que tu voltas para mim. Ela já estás com ela, sexta-feira até domingo é sempre a dar. Depois vem a ressaca, só terça ou quarta tu voltas a levantar. Cada vez que vais sem mim fazer a festa, cais sempre nesta, cais sempre nesta. A loirinha arma sempre um candelacho, não bota acima e bota abaixo. Só uma noite vai e não vai, não acho nada demais. E até gosto quando chegas, mas quando são duas ou três, lá digo eu outra vez, amor, se com vocês não perda. Rebeca aqui com o último tema, grande sucesso, já estás com ela. Agora continuamos com o José Alberto Reis, eu digo que é o Júlio Iglesias português. Ah, alors, écoute. Olha. És a luz que brilha em minha alma, és o tempo. Viver só sem teu amor, como não vou eu lembrar um amor tão grande assim? Como posso me acalmar se não estás perto de mim? Thank you. Calma, uma voz romântica aqui nas platinas da Rádio Arco-Íris, nesta manhã, que é um dia muito especial hoje. É o dia dos avós. É o dia das avós, sim. En France, hein, c'est pas... Oui, au Portugal, non. Non, je crois pas. D'accord. José Alberto Reis, un artiste... qui vient de sortir cette chanson, on disait. Hein, il est là depuis des années maintenant. Il est déjà venu, hein, à Salle Montisson. C'est vrai. On l'a déjà emmené. C'est vrai, exactement. Un grand showman. Hein. On continue en musique? Oui, avec Josh Frey, le Flaming de Perdition. On y va. Et puis après, on a nos on invités aura qui sont... Christine et David, ouais, qui seront parmi nous. Pour... David qui a adjoint au maire à la chapelle Saint-Mémin. Exactement. Et il a une entreprise d'assurance, il va nous parler de tout ça. Et bon. Christine va nous parler de sa nouvelle tâche. Ouais. Ses fonctions, de... Voilà, on va découvrir tout ça, on va les laisser parler. Dès qu'ils sont prêts, ils peuvent rentrer. Ben, je pense qu'ils sont prêts, mais il faut que je déroule le tapis, là. Ils sont en train d'accorder leur violon, leur corde. On y va. Oi, faz chanta tristeza, ai amor, amor. Faz chorar alegria, ai amor, amor. Pontos e faidais, ai amor, amor. Faz gozar quem sofre, ai amor, amor. Faz sofrer quem te olha, ai amor, amor. Com a beleza que tens. Morena linda, são fogo esses teus olhos. Amor aos molhos que me gera só para mim. Queria ter-te em meus braços e provar esses teus beijos, para matar meus desejos, mares deles sem fim. Morena linda, até pareces cigana, castiço olhar de trigana, flamengo de perdição. És uma história de amor, beleza que eu mais percebo. Vou levar-te comigo, Deus, o meu coração. Ai, amor, amor, faz cantar a tristeza. Ai, amor, amor, faz chorar a alegria. Ai, amor, amor, com todos esses vai-vais. Ai, amor, amor, faz gozar quem sofre. Ai, amor, amor, faz sofrer quem te olha. Ai, amor, amor, com a beleza que tens. Morena linda, o teu olhar tem doçura, romance em duplicatura, o sol do meu acordar, lábios de folhas de rosa, com beleza que um homem quer, amor, menina, mulher, magia do meu sonhar. Ai, amor, amor, faz cantar a tristeza. Ai, amor, amor, frente e olha. Ai, amor, amor, como beleza que tens. Ai, amor, amor, faz esquentar a tristeza. Ai, amor, amor, faz chorar a alegria. Ai, amor, amor, com todos esses vai-vais. Ai, amor, amor, faz gozar quem sofre. Ai, amor, amor, faz correr quem sofre. J'allais dire l'heure, et puis du coup, je vais en profiter, je vais faire une plainte à Madame la Présidente. Juste 10 secondes, il n'y a pas l'heure. Il n'y a pas l'heure. Mais moi, je peux. Effectivement. Ça marche plus. Effectivement, bah, je viens de constater en même temps. Moi, je peux vous la dire, il est 11h15 sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. C'est la bonne humeur, comme vous voyez. On a des invités. Allez, sache que mec, c'est en portugais. Eu acho que não, je m'entends pas assez bien. Si, ça y est. Sache que mec, c'est en portugais. São horas de comprar um relógio, menino. Allez, toi, je peine. Il faut demander au trésorier que mettons. Je pense que c'est juste une histoire de cap. Il n'est pas très loin, le trésorier, en plus. Oh. Voilà. En tout cas, c'est la bonne humeur. C'est juste une histoire de câble, je suis sûr. Bonjour, bonjour, bonjour Christine, bonjour David. Bonjour, bon dia. Bon dia, pode ser em português e francês. Só são essas duas línguas, porque mais não sei. We don't speak English. Então, vamos cá falar de vários assuntos, não é? Eu não sei. Já estou em muito princípio contente. Vamos falar, porque brevemente vão ser as eleições portuguesas, e nós podemos, todos os portugueses que estão inscritos nos cadernos eleitorais vão poder votar, que receberam pelo correio, não é? Tu podes nos explicar talvez melhor, ou vocês podem... Talvez o que era preciso, porque acho eu que muita gente sabem e não sabem o que são essas eleições, o que é que representa essas funções de que vocês estão nessas listas, o que é que fazem para a comunidade portuguesa, finalmente? Que seja uma ou outra lista, a função... Já tivemos aqui o prazer de receber dois convidados de dois partidos diferentes, não foi? É isso. E eles já nos explicaram um bocadinho as funções quando vão ao... Assembleia. E eles defendem tudo o que é comunidades portuguesas, portanto, mas eles vão nos falar melhor. Mas talvez seria também de nos apresentarmos e saber do que se fala e com quem falamos. Muito bem. Então, eu em primeiro lugar queria vos agradecer, porque acho que já há vários anos que não vinha. Eu tive o prazer também de fazer uma emissão há uns anos atrás, ao dia. Para mim é um prazer estar aqui de novo, estar de novo convosco também, porque quando entrei na rádio em 1998, o Jerome e o Lionel já que andavam há muito tempo, e depois a Cristina chegou, por isso é um prazer enorme. Agora, para responder à vossa questão, as eleições do dia 10 de março são eleições legislativas em Portugal. E nessas eleições legislativas, os portugueses que vivem no estrangeiro têm também a possibilidade de ser representados por 4 deputados. 2 deputados pelo resto do mundo e 2 deputados pela Europa. E esses candidatos de que o Lionel falava agora há bocado são os cabeças de lista pela Europa, como recordo, pelo Partido Socialista e eu, que é o Paulo Pisco e pelo PSD o Carlos Gonçalves e há outros de outros partidos. O que eles disseram foi que os imigrantes não estão representados que cheguem por eleitos. Isso é uma verdade. Se for a percentagem, a níveis de percentagem, 4 é muito pouco. Sim, porque eles dizem, já há vários anos que muita gente gostaria e reivindica que Portugal tenha na Assembleia da República mais deputados a representar os numerosos portugueses residentes no estrangeiro, que são pelo menos 2 ou 3 milhões inscritos, outros falam de 4 a 5 milhões, quase metade daqueles que vivem em Portugal. É muito mínima. É isso. E essa representação de 4 deputados, 2 pela Europa, 2 pelo resto do mundo, parece muito, muito baixa e é por isso que, por exemplo, dou-vos o exemplo da França. A França tem, acho que, 12 parlamentares que são eleitos pelos franceses que vivem fora do país. Por isso, talvez um dia tenhamos mais dois ou três deputados na Assembleia da República a representar os imigrantes, e é por isso mesmo que há eleições agora no dia 10 de março, e seja qual for a escolha, é por isso que neste momento estamos numa altura de campanha eleitoral. É isso. Seja qual for a escolha, é por isso que eu digo também que cada um de nós terá a sua escolha, mas o importante é mesmo que os portugueses votem, porque uma das razões pelas que, pela qual não temos mais deputados é porque cada vez que falamos nesse problema nos é dito que os portugueses votam muito pouco, e é uma realidade. Por isso, quantos mais votarem, melhor. E por vezes, nas últimas eleições, houve votos que foram anulados, porque por vezes não preenchem bem, portanto não há grande coisa a preencher, mas é simplesmente uma cruz, não é? E meter a fotocópia do bilhete de identidade. Sim, o voto é por correspondência. Tem que ter a fotocópia do bilhete de identidade, senão não há valor. Só duas coisas a fazer: uma é pôr a cruzinha na escolha do candidato, e a outra é juntar no envelope, quer dizer, pôr a cruzinha, meter um envelope dentro do envelope verde, e depois dentro do envelope com a direção de Lisboa, meter o envelope verde e a fotocópia do bilhete de identidade ou do cartão de cidadão. E aqui quero acrescentar, porque várias pessoas, eu ontem no meu programa, ontem de manhã, houveram pessoas que me telefonaram e disseram, então vamos ao consulado votar. Eu respondi que não, para ir ao consulado votar tinha que ser se inscrever antes, com antecipadamente, no consulado, para ir votar ao consulado. Se não fui inscrito com antecipadamente no consulado, tem que votar através do correio que recebeu. E foi um correio registado que todas as pessoas receberam. É como em França, temos que se, em França, quando se faz uma eleição, tem que se inscrever na lista eleitoral, e é a mesma coisa. Foi o que disse um dos nossos convidados durante a semana, disse-nos que é pena ainda não haver o voto eletrónico. Sim, que existe já, por exemplo, aqui para os franceses. Os franceses votam voto eletrónico, porque não? Eu tive a oportunidade aqui há uns meses atrás, em Lisboa, de assistir a uma intervenção de um francês eleito no Conselho dos Franceses do Estrangeiro, que vive em Lisboa, e que nos explicou como os franceses votam de maneira eletrónica. Por isso a França é um bom exemplo desse sistema que já foi posto em prática e que permite às pessoas que vivem no estrangeiro votar através desse sistema. E porque não, em Portugal ainda não há esse... Portanto, estamos em número praticamente de informática, número um. Eu acho que é mesmo uma vontade política, algum receio de fraude e coisas assim, e acho que tem que haver cada vez mais pressão sobre as forças políticas, tem que haver um certo consenso, quer dizer, tem que alguns partidos, os maiores partidos pelo menos, estarem de acordo com nesse aspecto, mas acho que vamos no bom caminho e que provavelmente muito rapidamente isso será instaurado também em Portugal. Mas também muitas vezes o imigrante através do mundo inteiro não vota porque Portugal não dá o apoio que chegue a nós imigrantes. É por isso também que talvez haja poucos votos, pouca gente que vote, não? Eu acho que há várias razões. A primeira é porque, por um lado, estamos todos inseridos no nosso próprio país de acolhimento. Eu digo isso porque antes podia pensar assim, há uns anos atrás, mas por ter hoje falado e convivido com outros franceses que vivem no estrangeiro, e até representantes, membros do Conselho dos Franceses do Estrangeiro, que é o mesmo órgão que nós temos em Portugal, o Conselho das Comunidades Portuguesas, e a problemática de um francês no estrangeiro é muito próxima da problemática de um português no estrangeiro. Ela está ligada com o ensino do francês no estrangeiro, ela está ligada com o acesso dos franceses ao consulado para fazer um carte d'identité, um passaporte, e então essas problemáticas são as mesmas, e é por isso que eu acho que o facto de nós não nos interessarmos muito pelas eleições em Portugal é também ligado ao facto que estamos fisicamente afastados. E mas afinal, de poder votar e ter uma representação aqui em França também nos dá direitos aqui aos portugueses franceses, aos portugueses que vivem aqui em França. Falo, por exemplo, da escola portuguesa, que há é muito complicado de encontrar agora, mas acho que isso também faz parte dessa função desse representante aqui em França. Sim, tu tens inteiramente razão, Jerome. Acho que é tão importante para nós portugueses estarmos representados em Portugal como diáspora, como é talvez ainda mais importante, porque é aqui que vivemos, que os portugueses sejam representados aqui também nas instâncias políticas francesas. E eu retomo só as palavras de um antigo secretário de Estado português que dizia que ser um bom português no estrangeiro é ser um bom cidadão do país de acolhimento. Perceber isso, mas hoje tenho a certeza, a profunda convicção de que nós podemos nos afirmar portugueses em França, na Bélgica, no Luxemburgo. Isto está demonstrado hoje com o impacto que vocês têm. Por exemplo, um exemplo que vem agora à ideia: 60% do eleitorado de Ormesson-sur-Marne, foi-me dito outro dia, é de origem portuguesa. Por isso hoje é incontornável que naquela cidade tem que haver uma escuta das problemáticas portuguesas, na escola e nos comércios, e é por isso que acho que nós não perdemos nada na nossa cidadania portuguesa de ser também francês, ser também luxemburguês, ser também belga. Que é aqui que vivemos, não é? Acho eu, senão o problema é que houve há alguns anos atrás sobre a reforma dos consulados. Se não há um sinal aqui de França dizendo que os portugueses aqui que vivam aqui em França que querem uma estrutura de administração e de apoio português, se não vamos votar... Portugal, dizem, mas em França ninguém não se interessa. É por isso que estamos aqui a falar justamente das eleições, para que os nossos ouvintes... Mas se calhar precisa um bocadinho de música pelo meio, senão as pessoas vão se... A Cristina justamente, também. Justamente, tenho uma questão, aqui é da parte de um ouvinte. A minha mulher e o meu filho receberam o cartão, a carta para votar, mas eu não. Como posso fazer e como posso votar agora? Eu, aquilo que estavas a dizer, eu acho que vi ontem uma aplicação que foi dada até pelos candidatos. Há certas pessoas que, é verdade, não receberam ainda o voto. Ou porque mudaram de direção, ou porque... Por várias razões. Há um número de telefone que eu vou procurar e podemos dar na antena, onde as pessoas podem ligar para Portugal, para a Comissão de Eleições, e provavelmente vão lhes indicar que ou o correio ainda está a caminho, ou então... Eu acho que havia uma possibilidade de votar no consulado para certas pessoas. Mas isto já vai ser justo, porque os votos são o dia 10, mas para a semana, tem que ir até o dia 9. Mas há um número de telefone onde eles podem, cada dando o seu número, o seu cartão de cidadão, o número do cartão de cidadão, pode saber em que situação está. Portanto, agora vamos a uma pausa. Mais uma última questão, depois após a música vamos a outro sujeito. Na verdade, eu recebi a carta, o registro, mas não pude buscar a minha carta à La Poste. E já foi tarde, estava de férias. Como é que agora posso recuperar esse correio? Porque finalmente não vou poder votar. Acho que aí terá mesmo, para poder votar por correspondência, terá mesmo que recuperar esse envelope. Se fizer uma foto, isto é uma suposta, não sei se será valável ou não. Se fizer uma fotocópia de outro boletim de voto e mandar inserir no envelope. Não, porque o envelope tem um código de barras, tem todas as referências da pessoa como eleitor, como cidadão e como eleitor. Por isso, só mesmo através desse sistema. Por isso, estão a ver que é por isso que às vezes até as pessoas lá são um bocado reticentes neste sistema. Ele tem mesmo que ser fiável para tem poder ser o mesmo para poder ser válido, claro. Então vamos a uma pausa musical e depois vimos novamente. Faz isso. Loucamente eu te procurei e não te encontrei. E o teu nome eu gritei. O vento e a chuva me matavam. O vento com força soprava. E nos meus olhos minhas lágrimas. Loucamente eu te procurei e não te encontrei. Adormeci, tive um sonho a que me estavas a beijar. É uma história que tu sabes, que para sempre eu vou te amar. É para sempre eu vou te amar. É para sempre eu vou te amar. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Quando te conheci, eu olhei para ti. Estavas tão linda. E agora não dá mais para esconder o que eu sinto por ti. Ai, amor. Sinto por ti, ai amor. Oh meu amor, se te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Eu não sei se só de mim um passarinho disse-me que sim. Às quatro da madrugada esperas por mim ou não? Eu ando louco sem saber se ainda és minha ou não. Meu coração dá e ninguém o prende, e a liberdade não me deu ninguém mais que um que. Será que és tu que ainda me tens, ainda me sentes, ainda me sentes? Meu coração anda para aí, ninguém o prende, e a liberdade não me deu ninguém mais quente. Será que és tu que ainda me sentes, ainda me sentes? Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, poder parar o tempo nessa hora, para que nunca te deixe ir embora. Oh meu amor, ai se eu pudesse te abraçar agora, Los Romeros com os Damas, ah, um tema bem vestido. Estamos com os nossos convidados de hoje, não é? Não é? É, claro que sim. É isso. Cristina, agora também tem novas funções para a comunidade portuguesa. Ela vai-se apresentar. Diz-nos lá quais são as tuas novas funções. Na verdade, obrigada pelo convite de hoje. Como eu dizia há bocadinho, na verdade, ser presidente desta rádio nada impede em eu representar os conselheiros das comunidades portuguesas. Uma honra para mim pelo convite que me fizeram e espero poder responder a todas as o que me vai ser pedido e gostaria que fosse o que a função que eu tenho atual de presidente da associação não vai impedir nenhuma nem outra de fazer o meu trabalho corretamente. De uma parte, também gostaria aqui de clarificar alguma coisa, que ser conselheiro das comunidades portuguesas em nada é uma ação política. Gostaria mesmo que deixasse aqui, porque ultimamente tive várias questões e gostaria de responder. O conselheiro das comunidades é apolitismo, não tem partido político. Somos simplesmente cidadãos portugueses que temos uma conotação e gostamos da lusodescendência, gostamos de Portugal, defendemos a parte portuguesa, e isso gostaria mesmo de deixar aqui esta rectificação, que em nada eu pessoalmente tenho partido político, nem pertenço a um partido político, nem um conselheiro das comunidades portuguesas pertence a um partido político. E como é que podes defender as comunidades portuguesas? Um ou outro, o que estiver mais à vontade. Posso dizer umas palavrinhas? Porque já foi conselheiro, se calhar está mais à vontade, porque eu pessoalmente ainda não entrei, ainda não teve a tomada de posses até agora. Mas já foste eleita. Já fui eleito, mas até agora ainda não tivemos a possibilidade de tomar posse do nosso de ser conselheiro das comunidades. Mas logicamente, quando somos eleitos, somos... Mas gostaria em primeiro que tivesse aquela formação, informação para poder... Acho que é importante explicar o que é o Conselho das Comunidades Portuguesas e depois explicar, eu acho que o papel de um conselheiro das comunidades portuguesas. Eu vou-vos dizer isso porque acho que o primeiro conselheiro das comunidades portuguesas aqui da região foi o Dr. Carlos dos Reis, que foi também presidente da RADO, e certamente porque era presidente da RADO, se calhar foi por isso que viram nele uma pessoa com capacidade para representar os portugueses da comunidade. A quem nós mandamos um abraço, sei que está a escutar. Um grande abraço, que é capaz de nos estar a ouvir. E depois fui então conselheiro das comunidades portuguesas, fui conselheiro das comunidades portuguesas também, se calhar por ter sido naquela altura vice-presidente da RADO. E sei também que naquela altura muitas pessoas se disseram assim: será que este lugar de conselheiro das comunidades portuguesas é compatível com o facto de quando estar na RADO? Vou-vos dizer porquê. Porque, por um lado, a maioria dos conselheiros das comunidades portuguesas que são hoje tão ou eleitos ou nomeados são diretores. E são porque são aqueles que estão quase no dia-a-dia, no contacto direto com a comunidade. E o Conselho das Comunidades Portuguesas, como a Conseil des Français de l'Étude à Bocado, é uma outra maneira de representar os portugueses do estrangeiro, fora daquela que está prevista no Parlamento, sem ser deputado, como dissemos agora há bocado. Só quatro deputados para representar os portugueses de todo o mundo. E então criou-se esse Conselho das Comunidades, são à volta de 200 pessoas que vêm um pouco por todo o mundo, da França à volta de 15, na altura em que eu fui conselheiro, e todos eles eram dirigentes associativos. Porque aquilo que se fala no Conselho das Comunidades são as problemáticas ligadas ao ensino do português no estrangeiro, ligadas ao acesso dos portugueses no estrangeiro à administração, aos consulados, tudo aquilo que nós dissemos agora há bocado. E um conselheiro das comunidades trabalha, é um órgão, o Conselho das Comunidades, é um órgão consultivo do governo. As pessoas não têm direito de voto, têm direito de ser consultadas. E é por isso que eu, na altura, vocês sabem como, se calhar falaremos daqui a pouco, do facto de eu ser hoje adjunto da Presidente da Câmara de La Chapelle-Saint-Mémant. Para eu ser adjunto hoje da Chapelle-Saint-Mémant, foi preciso que alguém tivesse pensado no meu nome para me inscrever numa lista. E quando houveram estas eleições para o Conselho das Comunidades, alguém me falou, a dada altura, se eu conheceria alguém na região que poderia integrar as listas para o Conselho das Comunidades. E seja alguém de Orleans a representar a comunidade portuguesa de Orleans no Conselho. Só se reúne... Ainda nós aqui em Orleans, claro. Sorte... Ainda temos. E é por isso, sorte, mas essa sorte provoca-se, como dizia o Jerome agora há bocado, se ele se calhar recorda-se como tu, que nos quando batemos. na altura em que era questão de fechar o consulado, várias pessoas se bateram. E nessa altura eu era conselheiro das comunidades e pude dizer várias vezes em Lisboa que o consulado de Portugal em Orleans era necessário, não fui o único a fazê-lo, mas o facto de poder ocupar esse lugar e de poder dizê-lo lá era importantíssimo. Por isso acho que não retira nada ao facto da Cristina ser hoje presidente da RADO, podia ser o presidente da Ronda Minhota ou o presidente da União Portuguesa. São os dirigentes ativos que estão hoje mais qualificados para poder serem conselheiros das comunidades, é isso que eu queria dizer. E justamente esse conselheiro, por o que me foi dito até agora, que ainda não teve oportunidade de o fazer, somos unicamente um porta-palavra. Nós ouvimos, recolhemos e depois vamos levar o que nos é dito, simplesmente. Se será escutado, não sabemos ao certo, mas entretanto levamos até à Assembleia, até aos deputados, até aos outros conselheiros, o que se passa na nossa região, nas nossas associações, defender o ensino escolar, defender justamente estas permanências consulares, porque justamente ultimamente, e foi uma coisa muito importante que se passou, foi as últimas eleições para os conselheiros, era importante que as pessoas tivessem ido votar ao consulado. Porquê? o quanto saber que aquele consulado tinha que ficar aberto e tem que ficar aberto, não somente para a papelada, para a burocracia, mas também para aquela parte da eleição. Qualquer seja a pessoa que temos que eleger, era importante que os portugueses de cá, que a comunidade portuguesa de cá, se desse a pensar, temos o nosso consulado, para continuar que o consulado fique aberto, vamos lá mostrar, vamos lá votar, que precisamos desse consulado, não simplesmente para essa parte da papelada. E se me permite, eu queria só juntar mais umas palavras. Em todas as missões que a gente ocupa, que seja uma missão profissional ou outra, há sempre uma fase de aprendizagem. Eu estou-me a lembrar de quando há 3, 4 anos comecei as funções de João Almeida. É uma coisa completamente nova para nós. Hoje adaptaste e hoje, sabes, com a experiência, com os erros, com a transmissão daquilo que os outros nos dão, que é só praticar, mas isto é exatamente a mesma coisa em qualquer função e em qualquer profissão. A Cristina está a começar a sua missão dela e certamente daqui a 2 ou 3 anos, quando já tiver assistido a 3 ou 4 sessões do Conselho das Comunidades em Lisboa, quando tiver encontrado 3 ou 4 vezes os dirigentes, os secretários de Estado, das comunidades portuguesas, por exemplo. O mandato é quanto tempo? É em princípio de 4 anos, mas há, porque as eleições são às vezes atrasões ou mudança de governo, mas o importante é que temos uma pessoa que representa a comunidade portuguesa da região do Orléans, que é grande, que é à volta de 40, representa à volta de 40 mil portugueses na área consular. Acho que é importantíssimo que lá, no meio desses 200, haja uma pessoa, ainda por cima uma mulher, que num meio que tem sido muito tempo ocupado. E hoje é o dia da mãe, é verdade? O dia da avó. Da avó, desculpa. Com todo gosto. É importantíssimo. Por isso, acho que todos aqueles que podem hoje pensar que seria talvez, ou que seria incompatível um dirigente associativo ser também das comunidades, basta olhar para todos os outros e são eles, e desejo um grande, grande sucesso à Cristina nesta nova missão. Não se pode misturar conselheiro com o presidente da rádio, são funções totalmente diferentes. Embora o papel... Sim, Leonel, eu sou agente de seguros e às vezes no mesmo dia faço coisas profissionais, às vezes até no mesmo sítio faço missões ou tarefas, é isso a palavra que eu queria, faço tarefas profissionais e logo a seguir eu recebo um arrete para assinar da Câmara de La Chapelle-Saint-Mémant. Não é incompatível. E já agora que estás a falar dessas funções, há muitos portugueses que te vão bater à porta: olha, eu moro aqui na Chapelle de Saint-Mémant, precisas de uma mágica da tua. Não, sinceramente não. O rol da adjoint, porque agora falo em francês, porque também faz parte dessa inserção da nossa comunidade. Je suis très fier et très honoré, plutôt plus honoré que fier, d'appartenir à l'équipe municipale qui est aujourd'hui dirigée par Valérie Barthes-Chenot. Quand nous avons été élus en 2020, on s'apprêtait à réaliser le 3e mandat de Nicolas Bonneau, qui malheureusement est décédé quelques mois après. Et alors que la plupart d'entre nous n'avaient pas du tout vocation à occuper des rôles de responsabilité, la première, la maire, Valérie Barthes-Chenot, a été obligée de changer, d'abandonner sa profession et d'occuper ses fonctions. Et donc aujourd'hui, nous avons réalisé tout ce qui était prévu par l'ancien maire, la plupart, notamment la construction d'une gymnase, que du coup on lui a donné, on a appelé gymnase Nicolas Bonneau. Nous construisons actuellement un très bon stade qui... Dans la zone industrielle, nous avons la chance d'avoir à La Chapelle peut-être le plus grand club de BMX de France, et ce sera d'ailleurs pour les Jeux Olympiques. Je l'espère que ce sera un terrain de préparation pour les Jeux Olympiques. Mais au-delà des Jeux Olympiques, ce sera un bel endroit pour que ce beau club continue à pratiquer. Mais il y a aussi toute une partie qui sera ouverte aux jeunes de La Chapelle et de Gingy aussi, pour qu'on puisse continuer à pratiquer tous ces sports autour du vélo qui sont très appréciés dans le coin. Voilà. D'accord, c'est important de... participer. On participe jamais assez à la vie de sa commune. Et oui. Alors je ne sais pas, peut-être parce qu'on manque de sensibilisation, peut-être que on s'intéresse pas parce qu'on se sent pas concerné. Et on se sent concerné lorsque, par exemple, on voit un jour la voirie, tiens, ils ont mis un truc là devant chez moi et là on va aller taper à la mairie. Mais qu'est-ce que c'est que ce tout truc? À fait. Tout et, à fait. Et c'est pour ça que il faut s'intéresser à la vie à la vie en société, à la vie de la cité comme on dit, et pour ça bah faut participer, et je crois que Radio Arc-en-Ciel est un pont excellent pour à la fois vivre son origine, comme on voit ici. Moi je me souviens encore de dans les années 90, lors de la visite de l'ancien secrétaire d'État portugais José Lelo, il était étonné de voir des gens du Laos. Il y a des gens du Laos qui viennent là, et donc dans cette maison passent des gens de toute origine, et on est vraiment l'exemple même qu'on peut vivre en France, vivre ensemble, en respectant et en vivant, en prenant plaisir à vivre sa culture d'origine, et tout en étant inséré dans un grand pays. Je crois qu'aujourd'hui tous les grands pays du monde, comme les États-Unis et d'autres, dans des sociétés cosmopolites, beaucoup plus à gagner avec la diversité, et on fera un pays beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. Et c'est la même chose au niveau de chaque commune. Donc c'est important qu'à Saint-Jean-de-la-Ruelle, à Orléans, à la chapelle Saint-Mémin, il y ait des Portugais élus, et je salue au passage le nouveau maire, ouais. Maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle, qui est aussi d'origine portugaise. On a pas mal d'élus dans toute la France. Je ne connais pas le nombre, mais je sais qu'il y en a beaucoup. Il en a parlé. Et pour le bien de la France tout entière. Voilà. On passe à la musique ou on... Oui, c'est parti. On écoute Maryse. As cordas de uma guitarra, sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar, fica-se lá. Vontade de chorar. Oh, gente da minha terra, agora é que eu percebi esta tristeza. voz de música portuguesa. Uma voz que faz sempre arrepiar os pelos. É verdade, é o que estávamos a dizer. Muito bonito. Portanto, vamos continuar. Então, João, je passe à une petite question à poser à... Vas-y, lâche-toi. On parle un peu en français, peut-être aussi, pour que nous. Oui, amis, non, mais parce que je pense qu'il faut sensibiliser aussi les plus jeunes aussi, des fois, parfois. Je vais pas dire que c'est une barrière, parce que c'est pas une barrière, mais parfois, on n'est pas forcément habitué à. C'est vrai que. Sans pour autant dire, parce qu'il faut corriger, pas dire que ce milieu politique, mais en tout cas, on va dire le milieu, on va dire politique, a toujours une. Moi, j'ai tendance à dire, par exemple, comme en cadre professionnel, où en fait, ce qui manquerait dans le milieu politique, c'est un peu la vulgarisation des termes et des choses, où des fois, il y a un peu de technicité. J'entends souvent ce terme, la vulgarisation, et qui fait que des fois, ça crée une barrière, en fait. Ça crée la politique pour les nuls, comme. Ouais, mais c'est ça, exactement. Ça crée une barrière entre ses représentants et le peuple, entre guillemets. Tu as tout à fait raison, ça me fait penser à des petites vidéos, justement, que parfois sur des explications de choses qui nous paraissent complexes de l'administration, et qu'il y a des petites vidéos qui résument en 3 minutes de quoi il s'agit. Ça peut être une loi, ça peut être une façon de voter. Il y a 50 pages, et puis il faut absolument. Juste en retenir qu'une seule ligne. Il faut absolument l'engagement des jeunes, il faut l'engagement des jeunes dans la vie associative et dans la vie. On va se dire, faire de la vie associative, c'est déjà faire de la politique. On fait de la politique en respirant du matin au soir, parce qu'on est concerné par tout ce qui se passe dans notre quotidien. Et même quand on réagit face aux impôts ou à quelque chose, on réagit de manière politique. Mais après, certains sont plus ou moins engagés. Et tout comme on a besoin de renouveler les effectifs, et y compris dans une radio importante comme Radio Arc-en-Ciel, il faut que qu'il y ait des jeunes comme toi qui continuent à prendre leur relais. Mais c'est vrai que tu es un jeune que j'ai déjà croisé, mais tu l'es. On le voit toujours comme un jeune. Bah, de l'aspect physique jusqu'à ce qu'il fait, les chansons et tout ça, il est jeune et promeut la jeunesse, Jérôme. Non, que souvent on entend parler quand on essaie de mobiliser, de sensibiliser des gens à venir s'investir dans la association, etc. Et moi, souvent, j'entends ce terme-là. Ouais, mais moi, je m'en sens pas capable parce que j'ai pas cette capacité à m'exprimer. J'ai pas. Alors, oui, c'est vrai que parfois, il faut aussi pouvoir s'acclimater parce que quand on est mais je trouve ça dommage quand on est dans un cadre politico un peu politico associatif, on va dire, d'arriver là avec pas ces mots, mais des fois ça peut démarquer. Mais j'aurais tendance à dire, et pourquoi pas. Je veux dire, l'important c'est de s'exprimer, peu importe les mots qu'on utilise, à partir du moment où ça reste correct et dans le respect. Je veux dire, à mon sens, il n'y a pas besoin de faire une sorte de démonstration parole, etc. Mais déjà la tenue vestimentaire, ça. Tout à fait. Le politique, toujours la cravate, son costume. Ça se voit, c'est pour ça que moi je suis toujours en basket, en pull, etc. Je trouve aussi que ça se fait de moins en moins. On voit de plus en plus d'hommes et de femmes politiques qui s'habillent de manière très très cool. Mais c'est l'image qu'on a du politique, cravate, costard gris ou noir. Mais ça aussi, ça change cette vulgarisation. Plus inaccessible, parce que justement, quand on voit le monstre, on va dire, parce que c'est vraiment. Non, mais c'est ça. Fait d'inaccessible, c'est carrément le fait de mettre un barrage, c'est-à-dire on met une frontière, c'est-à-dire que. Je vais pas nommer le premier. Parce que il est ministre, mais je vais nommer le second. Juste pour vous donner l'exemple que les choses changent et que je pense qu'un homme ou une femme politique, il aura d'autant plus de puissance politique qu'il a de capacité à se mettre au niveau des gens. Je crois que c'était pour les vœux. J'ai eu une invitation pour aller dans un des ministères. Et le ministre en question, il avait cette posture d'homme d'État inaccessible, tout là-haut. Et le soir même, il y avait le lancement de la présentation d'un livre d'Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre. Alors qu'il a occupé des positions ou des missions bien plus importantes, c'est quelqu'un qui est d'une simplicité et d'une accessibilité, qui te remercie chaque personne qui s'approche de lui. Et je trouve que cette capacité-là d'arriver à se mettre au niveau des gens, elle... Mais, elle mais, permet mais, aussi mais de se faire mieux accepter. Exactement, je trouve que c'est important de pouvoir, ce terme-là, on dit souvent, vulgariser un peu ce milieu qui du coup crée une barrière et fait que peut-être d'autres des gens qui peut-être s'intéressent mais qui n'y vont pas parce que ils ont cette crainte de dire je vais pas être à la hauteur. C'est ça. Et puis ça s'apprend aussi. Je me souviens des premières fois à la radio, comme vous certainement, en panique devant ce micro là juste devant. Ah bah t'as le cœur qui bat la chamade, t'es pas à l'aise. Hein. C'est exactement la même chose quand tu parles en public. Et ça se travaille. Et puis à force de répétant, encore aujourd'hui, il y a des moments où je vous l'avoue, il m'arrive d'être tétanisé. Mais si tu travailles, si tu anticipes un petit peu, et donc on est comme n'importe qui. Un ancien animateur de Radio Arc-en-Ciel, l'acteur maire de Lisbonne, un jour m'a avoué qu'après sa première participation à la télé portugaise, il a dû courir dans les toilettes pour... Mais c'est humain. Après, tout dépend qui est face à toi. Parce qu'effectivement, c'est vrai que la radio, on se sent à l'aise parce qu'on est entre collègues, entre amis, on va dire, et on se sent plus à l'aise. Effectivement, tout dépend qui t'a face à toi. Ici, c'est vrai qu'on donne cette aisance, on est à l'aise, on se sent bien. Et pourtant, on parle parfois. Et pourtant, des milliers de personnes. Voilà, c'est ça. C'est moi, je sais que moi personnellement, si je vois dans mon milieu professionnel. Si on me dit, ah, Christine, demain je vais t'écouter. Oh non, c'est pas possible, il va pas m'écouter, je veux pas qu'il m'écoute. Puis après, je me dis, mais il t'écoute déjà d'habitude, mais c'est parce qu'on me l'a dit qu'on va m'écouter que ça me gêne. Mais voilà. Ces dernières semaines, un des candidats, on pourrait parler aussi de Paulo Piche, mais je me souviens qu'il y a quelques années, il n'avait pas du tout la même aisance qu'il ça se voit. Ça se voit. Plus en plus à l'aise et c'est ça. Et même nous aujourd'hui au micro, moi je parle personnellement pour moi, je me sens de plus en plus à l'aise et voilà, c'est à force de le faire. Je le vois tous les jours. Je peux vous parler de la mère de la chapelle Saint-Méma qui a fait un progrès énorme entre le jour où elle a pris ses fonctions et aujourd'hui. Qui n'était pas vouée à l'être. Et voilà, et vous en trouvez plein d'autres. Alors, tout ça, c'est à encourager nos auditeurs à participer à la vie politique de sa commune, puis des consulats, enfin, voter, quoi. Faut participer. Prendre la parole en public, il y a des formations pas, pour ça. C'est pas évident, ça. Des fois, derrière un micro, c'est plus facile que devant tout un public. C'est vrai. Enfin, c'est pas votre cas à vous trois, mais bon, c'est mon cas. Je doute pas. Un peu de musique, alors. Ouais, un petit peu de musique. On va mettre pour animer Vamos à faire Lisboa. Vous êtes d'accord? Ah, vamos. Parfait. Acordo bem cedo, o elétrico está. Castanha já paira no ar. O alto do bairro, a calçada está gasta, mas sem rancor. Porque por lá vou passar tantas histórias de amor. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria a cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar. A minha Lisboa está cada vez mais bela e a Dona Maria com um lenço à janela. E em cada partida sinto amor e alegria por saber que vou voltar. A minha Lisboa. Olhando para o Tejo eu vejo a noite cair. E em Alfama o fado já se faz ouvir. Lisboa menina bonita, por ti eu me apaixonei. E olhando o castelo para ti tantas vezes cantei. A minha Lisboa está cada vez mais bela. E a Dona Maria cantar à janela. E em cada melodia sinto amor e alegria que me faz querer ficar.

Je sais pas. É isso. É isso. Ainda não mudei de nome. É assim, ainda não fui mudado. E que nos falem de representação de Portugal, dos portugueses aqui em França, a imigração portuguesa em França, em Portugal. O que é que podemos dizer mais nisso tudo? Que é, domingo próximo são as eleições, que vocês vão poder votar diretamente, se são inscritos nas listas, ao consulado honorário situado em Orleans, ou se não, por carta. Correspondência. Correspondência, através de um envelope verde. A data limite de mandar a carta, acho que há uma... Dia 9, e acho que tem que chegar a Lisboa antes do dia 20 de março, até o dia 20 de março. Até o 20 de março. E justamente para aqueles que ainda não conseguiram e têm dificuldades em receber o correio ou outro, colocamos na página da Rádio Arc-en-Ciel um link onde vocês podem ir consultar e talvez entrar em contacto com essas pessoas. Podem responder a todas as vossas questões que ficaram pelo caminho. Sim, é um link do portal do eleitor, onde a pessoa pode entrar um número de cartão de cidadão e a partir daí saber onde estaria o correio ou se terá que se dirigir ao consulado, e terá também, uma vez que marcou do cartão de cidadão, se tiver uma resposta imediata de onde anda o correio, tem. Se não tiver, tem um número de telefone onde pode ligar para, durante a semana, para saber onde está, em que situação está. E com tudo isto já não há desculpa nenhuma para não ir votar. Para não votar. Talvez. Não é? É mesmo isso. É isso? Exatamente. Portanto, o David Gomes tem também funções, bom, na mairie de La Chapelle Saint-Mémat, mas também tens uma empresa de seguros. Sim, tens uma empresa de seguros, é verdade. E fazes publicidade na nossa página no nosso site, onde se há outras empresas que querem aderir também a este site, a publicidade também é bom, claro. É possível. É sempre um meio de comunicação, nós permite-nos falar e comunicar a atividade, a minha dos seguros, outras áreas. Não é aqui na região? Bom, não seja na região, mas hoje nos seguros e com as técnicas de informática que existem, ou qualquer pessoa de qualquer ponto da França ou até do mundo, porque eu só faço seguros em França, só tenho habilitação para fazer seguros aqui em França, mas já me tem acontecido que pessoas, eu penso, por exemplo, uma cliente de Lisboa que viveu aqui e agora vive em Lisboa, mas ainda tem aqui bens para assegurar, e hoje a informática permite que ela assine à distância, de maneira eletrónica, os seus contratos de seguro, por exemplo. E se quiserem... Por isso, as pessoas que estejam aqui em Orleão ou em Dordão, onde eu estou instalado, podem muito bem questionar-me. E se quiserem também mais informações, podem ir ao site da Rádio Arc-en-Ciel, não? O Jérôme talvez nos possa explicar melhor isso. O site é www.radio-arc-en-ciel.com. Vous retrouvez ce qu'on appelle des bannières sur le site, des bannières publicitaires qui sont pour Radio Arc-en-Ciel une source de revenus. Bien sûr, on essaie de développer nos sources de revenus parce que notre association a besoin pour se développer d'argent, parce que tout n'est pas gratuit, malheureusement. Il y a beaucoup de bénévolat. Alors, j'ai pas envie de pleurer, de faire un discours de fleurs. On voit bien le trésorier de l'association de la radio qui est là. Le but, c'est pas de pleurer, mais c'est juste de justifier finalement la présence de ces bannières, etc. C'est qu'en fait, c'est un moyen aussi de pouvoir avoir, puisque le site de Radio Arc-en-Ciel a du flux. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel à travers Internet. Et on en parle pas assez, je trouve, notre site. Pas que les Orléanais, hein, parce que moi, j'ai appris il y a pas très longtemps que j'avais de la famille parisienne qui écoutait Radio Arc-en-Ciel à travers le site, finalement. Et donc, du coup, c'est aussi un moyen de pouvoir communiquer sur vos entreprises. Et d'élargir la diffusion de Radio Arc-en-Ciel. Et d'élargir la diffusion. Certaines professions n'ont pas forcément besoin d'être localement présentes pour pouvoir réaliser leurs prestations. Je parle, par exemple, de l'assurance, ça peut être de la banque, ça peut être peu importe. Et donc, du coup, ça permet aussi de véhiculer. Ça peut être une entreprise de bâtiment, tout simplement. Ça peut être une entreprise. Quelle que soit l'entreprise, et à savoir aussi que, quel que soit la bannière qu'on met dans notre site internet, se redirige automatiquement vers le site de l'entreprise. C'est vrai, ouais. Dans mon cas, on clique sur la bannière de l'agence AXA de Dordogne, David Gomez, et on arrive sur le site de mon agence, tout à fait. Alors, ouais. Ça consiste en quoi assurer, enfin être agent général. Ouais. Alors, agent général et la différence pour moi qui avait passé environ 25 ans dans l'assurance en tant que salarié, d'abord commercial, puis après inspecteur. Un agent général, la différence c'est que il achète son fonds de commerce, c'est-à-dire le droit d'exploiter un portefeuille de clients qui existe. Et ce côté général, c'est qu'il fait un peu d'assurance. C'est-à-dire que il y a le président de la compagnie que je représente a l'habitude de dire qu'on assure tout de la trottinette d'une association à la navette spatiale et on assure des associations, on assure les particuliers, les personnes et on assure les biens. Une trottinette. Voilà. Mais c'est essentiellement, allez, grosso modo, 70% de ma clientèle est assurée pour sa voiture, pour son habitation et environ 30%, ce sont des assurances professionnelles. On assure sa boutique, on assure ses moyens, on s'assure, par exemple, pour les gens qui travaillent dans le bâtiment et qui sont à leur compte, ils sont obligés d'avoir une responsabilité civile décennale, et donc ils s'assurent aussi pour leur activité. Et ça, la crise, qu'est-ce qu'elle a emmené pour l'assurance? La crise, elle a fait changer. Par exemple, moi, au quotidien, c'est le plus changé, mais ça doit être commun à plein d'entre nous. C'est le fait de pouvoir se rendre compte qu'on peut faire une assurance sans vous déplacer à l'agence. L'obligation qu'il y avait de rester chez soi a accéléré la contractualisation à distance. Dans notre domaine, c'était très, très important. Après, il y a eu les restaurants, par exemple, qui étaient fermés. Il y a eu des arrêts complets d'activité. Moi, Dieu merci, je n'ai pas vraiment trop souffert de ça parce que l'activité s'est maintenue. Donc il y a de moins en moins de contacts clients. Oui, on a de moins en moins de face flux. À face. De et c'est dommage parce que moi je vois même avec tout, il y a de moins en moins de contacts. Tout à fait. Je discutais avec un banquier l'autre jour, c'était la même chose. Ben on échange ça. Moi je trouve que la tendance essaie de s'inverser puisque effectivement le Covid a fait que ça a accéléré le fait de faire des choses, etc. Et du coup, il y a eu ce côté facilité puisque la nouvelle génération est très mail, visio, etc., très moyen. Et du coup, on s'aperçoit que les professionnels, etc., préfèrent le contact. Et donc, du coup, dans la satisfaction client, on s'aperçoit que finalement, il faut revenir au basique, qui est le téléphone, le face-à-face, parce que c'est pratique, mais le feeling, il passe pas pareil quand t'es en face à face. Oui, notre génération, ma génération, je dois être un des plus vieux, quelle que soit la génération, tout dépend du sujet. Il y a des sujets qui sont un peu complexes et t'as besoin de voir, les jeunes, le face to face, il est important que ça se fasse. Il y a des choses incontournables sur lesquelles on va venir, c'est comme par exemple le fait de gérer son compte et d'accompagner son compte sur le téléphone. Oui, ça, oui. Tout ce qui est automatisme, y compris dans le domaine de l'assurance, sortir une attestation, lui, on veut tous le faire, tout ce qu'on a la capacité de faire. Mais Jérôme a raison, dans le parcours d'un client, souvent il commence par internet, il va sur le site, il demande même un devis, il commence un devis, mais il termine toujours en agence pour le valider. Oui, parce que le feeling et la confiance, elle passe par le rapport humain finalement, et notamment avec un agent général d'assurance, c'est-à-dire que pareil, encore une fois, on va reparler de vulgarisation, c'est très technique, et que parfois, quand tu vas signer une assurance, il y a des tonnes et des tonnes de petites lignes. C'est la ligne masquée, la dernière. Qu'on ne lit pas et qu'on est face à face avec un agent qui va nous dire, je vais vous retranscrire un peu tout ça, et je pense que ce relationnel est important. Et toute la question, elle est justement dans la vulgarisation. Je travaille pour une compagnie qui a créé une autre compagnie à côté déjà depuis des années, qui ne fait que du direct. Et la personne, elle est totalement en autonomie pour le faire. Et c'est grâce justement à cette vulgarisation, au fait que du coup, n'importe qui peut, de manière ludique, se laisser guider jusqu'à la souscription. Et ça, c'est le monde de demain. C'est le monde de demain. Mais il y a encore, peut-être c'est la raison encore de la pérennité de ma profession. Il y a encore des domaines, comme disait Christine, lorsque les choses deviennent un peu plus complexes, que ce soit l'assurance d'une entreprise ou même des questions liées au patrimoine de la personne, parfois la prévoyance, à des choses qui impliquent un peu plus d'échanges, plus d'éléments, qui ne peuvent pas être, ce sont des choses qui ne peuvent pas être faites en deux, trois et de manière autonome, parce que surtout quand on n'est pas les connaissances dans le domaine, quand on a besoin d'un véritable conseil, là on a encore besoin d'un intermédiaire, d'un agent. Comme les banques à distance, c'est... faut vraiment, comme maintenant, il y a tout un tas de bitcoins. C'est ça. Mais non, je disais tout à l'heure. Tu connais quand même. Mais moi, j'y fais pas confiance. Enfin, moi personnellement. On a du mal à faire confiance, effectivement. On a besoin encore d'avoir ce conseiller qui est là pour nous aider et nous orienter, on va dire. Et pourvu que ça continue encore quelques années, au moins. Mais je pense David a besoin que ça continue. Parce que l'assurance, d'une, elle est obligatoire. Oui. L'assurance est obligatoire. De deux, elle est aussi là parce que on a besoin d'être dans une sérénité d'esprit, c'est-à-dire de se dire si demain j'ai un problème, je vais pouvoir. C'est toujours ce parapluie, voilà. Comme c'est cette image et, du parapluie. Et en même temps, faut trouver cette balance entre ce parapluie qui est trop grand et qui peut-être peut accueillir une grande surface et qui n'est pas nécessaire. Et donc, du coup, c'est important que l'agent général soit là pour justement... Pour voilà, doser, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et puis des fois, on a deux ou trois fois la même chose. Pour te relancer, je veux dire, tout comme on a besoin d'un assureur, on a besoin aussi, surtout quand on est dans le monde de l'entreprise, d'un expert comptable, d'un comptable. Et le rôle du comptable, c'est justement ce rôle de conseil en premier lieu, pour que la personne elle prenne les bonnes décisions et de manière dosée. Il y a trop de virtuels pour moi. Enfin, pour moi, il y a peut-être besoin, c'est le futur. Mais trop de virtuels, bientôt, on n'aura plus le billet de 20 euros, les tirettes, ça va être fini, l'argent. Je pense pas. Je sais pas. Depuis des années, on parle qu'il n'y aura plus de caissière. Ça arrive. Mais ton billet de 50 euros, toi, tu vas payer le boucher, il va payer l'agriculteur, l'agriculteur, il va payer ses engrais. Le billet, il sert X fois. Comment s'appelle le patron de Tesla ? Le quoi ? Le patron de Tesla. Je ne sais pas. Elon Musk, c'est ça ? J'ai vu une vidéo il y a quelques jours où il disait qu'à l'avenir, il y aura très peu de choses qu'un robot ne fera pas mieux qu'un humain. Et donc, il faut absolument repenser notre façon de s'occuper, d'occuper sa vie, alors qu'il y en a plein. Mais je pense que la tendance, elle va plutôt dans ce sens-là. L'intelligence artificielle. Et puis, qui aille travailler à ma place. Je parlais tout à l'heure de retraite. Et qui m'apporte mon salaire à la fin du mois. Mais je le veux bien, ce robot. Qu'on puisse partir en vacances tranquillement tout le temps, c'est très bien. Ouais, mais ça aura plus de charme. On a besoin de ce côté humain, tout de même. Tu sais, d'aller en vacances, ça a beaucoup de charme. Et pas travailler, mais avoir le salaire. Quand on est à la retraite, tu sais, on en aime bien. J'aime bien mon boulot. Hein. Tu es un commerçant avec un vrai contact humain, parce qu'effectivement, le boulanger, c'est là où on va chercher ce petit sourire de la journée. Et c'était important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as gardé ce contact important du métier. Un très beau métier. Tous les métiers sont beaux dès qu'on gagne un petit peu de pépette. Mais Lionel, tu reviens. Voilà, c'est ça, cette société. T'es toujours l'argent. C'est pas l'argent. Moi, c'est le soleil. C'est le bénévolat. C'est vrai que c'est une toute autre réflexion. C'est la réflexion, je veux dire, sociétale. Parce que ce même Elon Musk, il disait qu'il faut, du coup, penser à cette notion de revenu universel pour tout le monde. Pour que. Voilà, on gagne tous la même chose, tu crois? Pas tous la même avec chose. Avec une valeur bien haute, hein, quand voilà. Même. Hein. C'est gourmand. On est parti de la politique à la. C'est ça. Voilà. C'est ça, arc-en-ciel. Tout ça et la société. On passe un peu de musique. Et puis. Si vous voulez partager un avis ou poser des questions, n'hésitez pas. 02-38-43. Ah, je crois que le téléphone sonnait. 02-38-43-48-00. Voilà. Está o óleo dos livros que eu li à tarde com o meu irmão. Onde estão os copos de vinho que o pai deixava provar, mas a mãe não. Onde estão? esta rapariga que eu gostava mais que a vida. Onde está a minha avó que me ensinou esta canção? E o verão que todos os anos fica mais pequeno. Prometo para o ano temos mais tempo. Agarro-te e saímos daqui. Quando é que eu fiquei demasiado crescido? Não ter tempo nem para cantar ao teu ouvido. Para o ano até te fartas de mim. Prometo que saímos daqui. Onde está a bola que jogava na rua connosco até tarde, até tarde? Onde estão os rapazes do campo e as raparigas que vinham da cidade, da cidade? Onde está a rapariga? Ainda é a mesma e é para a vida. Ficou o Alentejo que me ensinou esta canção. E o verão que todos os anos fica mais pequeno. Prometo que ao ano temos mais tempo. Agarro-te e saímos daqui. Quando é não ter tempo nem para cantar ao teu ouvido. Para o ano até te fartas de mim. Prometo-te saímos daqui. Saímos daqui. Quando é que eu fiquei demasiado crescido? Não ter tempo nem para cantar ao teu ouvido. Para o ano até te fartas de mim. Prometo-te saímos daqui. C'est ça, Radio Arc-en-Ciel. Um pouco de tudo. E justamente vamos então falar também um bocadinho da nossa rádio, porque estamos aqui a falar de todas estas funções. É verdade, estamos aqui quatro membros. É verdade. Do Conselho de Administração. Quatro membros do Conselho. Nem tinha reparado nisso. Mas na verdade, nem de propósito, é verdade. E na verdade, falar um bocadinho da nossa rádio, porque tenha também as suas organizações, as suas festas e tudo isso, mas também a nossa rádio no interior. Estamos sempre em busca de novos animadores, de novos de preparação das nossas festas e tudo isso. Precisamos de toda a comunidade portuguesa, que seja em termos de sócio, que seja em termos de animador. E era o que estávamos a falar há bocadinho, de estar à vontade em certas funções. Aqui na nossa rádio também temos a possibilidade de dar a formação necessária àquilo que queira vir. E dizemos sempre essa palavra, quem vier por bem, que venha também. Temos mesmo de acrescentar um pouco mais de animadores, que sejam franceses ou em língua portuguesa, espanhola ou mesmo do Laos, como dizíamos há bocadinho. Toda esta comunidade, a nossa rádio precisa de toda essa gente ao nosso lado e também, por que não, nas nossas festas, estarem presentes ao nosso lado, porque é o que faz viver a nossa rádio. Uma parte delas é as nossas organizações, agora brevemente no 13 de Abril, mas também a grande festa dos Santos Populares, em que já podemos começar a falar que já temos a autorização de termos o nosso parque de linha roja, onde a Mairie de Fleury-les-Eaux nos empresta aquele grande parque para podermos organizar a festa do São João, 6 e 7 de julho. Será um momento importante para a nossa comunidade, mas também uma honra nossa de podermos continuar a organizar esse grande evento. e todo o ano. E também se há empresas que estão interessadas em, em ter lá um, uma apresentação de, do que fazem, porque não, podem telefonar para aqui durante a semana. Claro que sim, e como fizemos, tivemos uma nova organização onde pusemos os restaurantes que vieram apresentar os seus stands. Vocês também podem, aquele que está do outro lado e tem uma empresa, um restaurante, um food truck e querem vir apresentar, já sabem, podem entrar em contacto com a nossa secretária todos os dias. E vocês podem entrar em contacto com ela através do telefone, através do mail, através das redes sociais, telefonar os animadores. Há sempre possibilidade. E já temos alguma parte do programa. Já temos uma parte, está contente. e conseguiste o resto? Tinhas uma função esta semana. Ainda não está nada está decidido. Quase, está bem. Já temos orquestra para sábado à noite e cantora. Sim, senhora. Sim, senhora. A orquestra vai ser Capa Negra, como Grupo Capa Negra. Mais uma vez nos vão apresentar talvez novas novas En attendant que ça, ta créativité, on sait qu'on peut compter sur ça. L'année dernière, vous en avez fait un joli cadeau. Oui, c'était la première fois qu'il y avait les cuivres dans votre groupe. Ben, on a pris goût. Mais il faut, on a besoin de ça. On a pris goût, ouais. On va ramener un lion en cage. Un lion en cage. D'accord. Et vous allez le lâcher, vous comptez le lâcher, le lion? Et je descendrai avec un hélico comme ça. D'accord. Oh là là. Tu vois, grand. Ça va loin, l'imagination. Voilà, on va éviter le lion, l'hélico, pourquoi pas. En tout cas, une fois de plus, on est en train de travailler. Hein. Ça fait des mois et des mois qu'on y travaille. Hein. Et vous pouvez appeler les artistes que vous aimeriez voir. Hein. Ah, fais attention, tu donnes le bâton pour te faire. Ouais, mais il y en a que c'est pas possible. Moi, j'aimerais bien Ouskalemas, par exemple. Mais tout est possible, imaginable si tout le monde nous suit. C'est une grosse entreprise qui veut participer. Ben voilà, hein. C'est ça. Parce que si on nous demande Ouskalemas, nous, on est tous d'accord, mais on y va et on fera tout pour. Par contre, effectivement, il faut que de l'autre côté, la communauté, c'est pas prévu. Mais on peut le prévoir, mais tout est possible. Effectivement, si les sponsors nous aident, parce que nous, elles sont de notre poche, c'est impossible. Oui, il n'y a pas d'entrée payante. Hein. Déjà, voilà, c'est une des seules associations qui ne fait pas des gros spectacles comme ça, qui ne font pas d'entrée payante. Il y a beaucoup de festivals portugais en plein air, notamment dans la région de Paris, hein, quand on voyait par exemple Radio Alf, là on voit Festa do Imigrante, pareil, qui fait sa deuxième édition, etc. Il y a des entrées payantes, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas bien, c'est juste que nous, Radio Arc-en-Ciel, compte tenu du terrain que l'on a, mettre une entrée payante, c'est impossible. Le parc est ouvert à 360 degrés, du coup, il faudrait clôturer tout pour pouvoir, ne serait-ce que une entrée symbolique, hein, mais qui permettrait du coup, avec une entrée même symbolique, de pouvoir proposer une programmation qui est différente. Là, du coup, c'est aussi un concept. Hein. C'est-à-dire que le dessin populaire de Radio Arc-en-Ciel, elle a été aussi une fête qui était là pour véhiculer aussi toute la jeune génération d'artistes, aussi à tous ces jeunes artistes qui n'ont pas cette chance d'aller dans des grands trucs, etc. Et qui font que, c'est aussi promouvoir les jeunes talents. Et on est là pour ça, Radio Arc-en-Ciel. Voilà, et parce que les grosses pointures ont déjà leur place, donc, attends ça, attends toujours une tête d'affiche, etc. Bon, alors, il y a un auditeur qui a appelé, il aimerait bien Santa Maria. Ah, nous também. Estamos a fundo com isso e gostaríamos imenso, é o que eu digo e é o que estávamos a dizer há um bocadinho. Do momento que uma pessoa tem os parceiros ao nosso lado, em que toda a gente ajuda, em que toda a gente vai nesse sentido para ajudar, para que o artista venha, nós do nosso lado estamos prestes a tudo pôr em prol. Nós já sabemos fazer, que seja um grande ou pequeno. En fait, são des artistes qui en dehors du coût, du cachet, du transport, parce que par exemple on prend le cas de Santa Maria, ils sont au moins une dizaine, donc c'est 112. Ouais, donc c'est, ils font c'est, un son c'est, spécial parce voilà, que c'est 12 billets d'avion, c'est des conditions techniques très exigeantes, ils veulent tel et tel matériel, le podium, les mesures, donc du coup tout ça entraîne des coûts et qui font que Est-ce que, c'est notre façon, notre façon à nous de dire bon. Ça va pas être possible? Tout est faisable, mais le simple, des fois, c'est le plus beau. Le populaire, ce qui touche le public, l'attachement. Des fois, il n'y a pas besoin de grands. Grand câble. Voilà. Il chante encore. Je ne sais pas. Grand air, là. Je ne sais pas. Effectivement, restons dans ce qu'on peut faire, dans ce qui est faisable, et mettons ça en œuvre, parce qu'effectivement, on a commencé à préparer notre grande fête qui demande du temps, et qu'effectivement, on commence déjà par la partie artistique pour que bientôt on puisse promouvoir nos artistes et pouvoir publier l'affiche bientôt. On l'a déjà passé, la petite jeune qui va être là. Daniel Heinrich. Très jolie. Daniel Heinrich qui sera a priori là le samedi soir, oui, de ce que j'ai compris. Alors, j'ai écouté tout à l'heure, parce que tu disais que tu avais t'as eu l'opportunité par le passé d'échanger avec elle. Là, maintenant, ça va être dans l'autre sens. Elle va être sur votre scène à vous, oui, en tant qu'artiste. C'est ça. Donc, nous, on allait à Pau, du coup, pour c'est un festival sur 3 jours, et du coup, sur un jour, c'était nous, un autre jour, c'était eux. Et donc, on a sympathisé finalement avec ce groupe-là, parce qu'on y est allé 2-3 fois, sympathisé avec ce groupe-là, et qui fait que, du coup, on a partagé la scène et partagé, voilà. Et donc, elle était très, très amie, je l'expliquais tout à l'heure, de Ruth Marlène. Et voilà. Tout simplement. D'ailleurs, quand Ruth Marlène est venue à la salle de Saint-Jean, ça fait 3 ans, c'était Fréquence qui était venue, oui, pour le podium, et donc ils avaient fait un live toutes les deux pour pouvoir discuter, etc. Et que là, justement, il y aura Capa Negra le samedi et le dimanche, on aura Fréquence. Ça sera la même chose que vous avez vécu par le passé. Exactement, à Pau. Exactement. Donc une nouveauté, oui et non, parce qu'il y a déjà eu, mais du coup, dans la programmation, on vous proposera le dimanche après-midi de pouvoir danser, ouais, et de faire un bal le dimanche après-midi, de pouvoir transpirer. On prépare, allez, on est dedans. On essaie de changer. Et on a déjà dépassé l'heure, on va être à l'amende, hein. La direction, elle va nous couper les vivres. Mais oui, Nicolas n'est pas là. Mais on va pas rester l'après-midi. Non. Je crois qu'il faut répéter ce petit moment pour parler de sujets qu'on ne parle pas habituellement. C'est toujours intéressant. L'autre côté, on verra le retour que ça. Mais peut-être participer aussi l'auditeur qui pose des questions. Soit nous... Et tout d'abord, je tiens à m'excuser d'une petite partie qui s'est passée, l'intervention de Monsieur Carlos Gonçalves. Nous avons un auditeur qui a tenté de vous joindre, et ça n'a pas été faisable, parce qu'effectivement, c'est pas toujours évident de passer en direct sans l'autorisation de la personne qui est de l'autre en face, de notre invité, et ça n'a pas été possible. Effectivement, la personne s'est un petit peu vexée. On tiens à s'excuser, et je tiens à m'excuser aussi publiquement. Et des fois, c'est pas possible techniquement. Ce n'est pas possible. Et effectivement, je peux prendre la question qui a été posée, et je peux la transmettre à Carlos Gonçalves. Je prends cette responsabilité, parce qu'effectivement, ça n'a pas été possible ce jour-là. Et j'espère que cette personne ne reste pas vexée, et qu'elle rentre en contact à nouveau avec nous, et qu'on puisse effectivement transmettre sa question, qui était très importante, parce que il m'en a parlé, et son inquiétude, c'était effectivement que le consulat d'Orléans ferme, tout comme ça a été le cas pour d'autres villes, et il a cette crainte, et c'était cette question qu'il voulait poser. Effectivement, Carlos Gonçalves, et je transmettrai sa question, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, lorsqu'on passe des questions en direct sans que ça soit prévu, et sans qu'on ait demandé préalablement à notre invité, ce n'est pas possible. Donc c'était juste cette partie-là. En tout cas, d'être là aujourd'hui, c'était pour faire quoi, hein, à vous? C'était quoi le but qu'on soit là tous? C'était faire voter, que les gens y votent. De rappeler aux gens de l'intérêt de tout ça, et surtout que l'intérêt, il n'est pas pour Radio Arc-en-Ciel, l'intérêt, il est pour les Portugais. Pour les Portugais en France, tout simplement. Et nous, notre rôle, c'est d'informer, voilà, sur cet événement qui touche les Portugais ici situés à Orléans et pas seulement, que bah, c'est un droit et que si vous le faites, tant mieux, et si vous le faites pas, bah, c'est tout aussi bien. Mais c'est aussi un droit de s'abstenir. Mais voilà, c'est... Ça fait partie de la démocratie aussi. C'est ouais, une façon de s'exprimer aussi, parce que le fait de ne pas voter, parfois, c'est aussi, ça veut dire, ouais, ça veut aussi dire quelque chose. Ouais. Suivant, c'est de la fainéantise de ne pas voter. Hein. On a du mal à faire une photocopie, on a du mal à faire une croix. Il faut y aller, il faut voter. Faut... En tout cas, après, on ne peut pas critiquer tel parti. Qui vote contre. Donc, il faut voter pour avoir son. Défendre la cause qu'on croit juste. Je vais plutôt dire finalement, c'est que moi, je me souviens des années 80, c'est-à-dire que moi, je suis un luso descendant, né en France, etc. Et je vois dans les années 80, 90 et aujourd'hui, les jeunes Portugais n'ont pas les mêmes. Ne peuvent pas bénéficier des mêmes choses que nous, que moi j'ai pu bénéficier. J'ai pu faire l'école portugaise tous les mercredis après-midi. Oui, sur Orléans, je sais même pas s'il y en a. Dans une structure, ça existe toujours. C'est réduit, mais il y en a encore. Ouais, mais voilà, mais pas dans les mêmes conditions qu'on avait dans les années 80-90, où il y avait quasiment une école portugaise dans chaque ville, avec des profs qui venaient une demi-journée par semaine. On avait des cours une demi-journée par semaine. Une langue vivante Du CP jusqu'au CM2. Le collège Jeanne d'Arc proposait la langue portugaise pendant toutes les années collège. Enfin voilà, ne serait-ce que ça. Là, tu es au cœur du rôle de conseiller de la communidad, où justement l'enseignement du portugais, qui peut être ou détaché par le Portugal ou intégré dans l'enseignement français, comme tu disais tout à l'heure, c'est là où on mélange les deux mondes. C'est-à-dire que pour que le portugais soit intégré dans l'enseignement français, il faut de plus en plus d'affirmations politiques des Portugais de France. Et pour qu'on puisse avoir toujours un portugais de qualité, l'accès aux cours de portugais fait par les professeurs qui sont envoyés du Portugal, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse se revendiquer auprès du gouvernement portugais. Et ça peut être un conseiller. Moi, je me rappelais, tous les débuts d'année, on faisait une Espagne publique communiquée pour que les gens ils puissent s'inscrire. Qu'on n'a pas de retour. On le voit aujourd'hui, les gens, des fois, nous appellent. Où est-ce qu'on peut trouver de l'école portugaise? Les gens, enfin, avant, on n'avait pas ce genre de questions, parce que ça se trouvait tellement facilement, c'était tellement répandu. Alors que là, c'est devenu quelque chose de rare. Et tout ça fait quoi? Ça fait qu'en fait on a eu une forme de laxisme sur ce droit-là, parce que c'était acquis, parce que c'est machin, et du coup petit à petit, j'imagine, hein, moi je suis pas dans la politique machin, mais j'imagine que l'État portugais, parce que tout ça coûte de l'argent, parce que ces professeurs étaient payés par l'État portugais, portugais, donc ça coûte de l'argent, et que bien sûr il faut réduire les coûts. On leur emmène tellement de choses au Portugal. Mais tu leur en prends aussi. Je crois qu'on leur donne plus qu'on en prend. Ah ben je sais pas. Tout là-bas. Si. Celui qui a une maison, il paye. On va pas s'étaler. Très bien, sur ces bonnes paroles. Aujourd'hui, c'était la fête des grands-mères. On souhaite à tous les grands-mères du monde plein de bonheur, d'amitié, de bonnes choses. Qu'est-ce que vous avez à dire? Du bonheur à tous. Moi, la plupart n'en a plus, malheureusement. Alors moi, je suis une jeune mamie, et j'avoue sincèrement que j'accepte énormément cette journée. Et c'est une mamie, c'est une maman doublée d'amour. C'est vrai, quand tu reçois que ça soit qu'un petit dessin des petits enfants, ça te remplit le cœur, ça te fait éclater. C'est vrai que c'est une fleur du jardin, c'est très bien, oui. Et ça nous fait penser à nos mamies, à nous, et moi je pense à mes deux mamies qui ne sont déjà plus là, mais qui ont marqué toute mon existence, et on le voit aujourd'hui que le rôle d'une mamie reste très important dans la vie. Dans la vie, il y a le rôle de la maman, mais la mamie, elle est très très importante aussi. Moi j'en ai une que j'ai pratiquement pas connue, j'avais 4-5 ans quand elle est partie, mais l'autre, je me rappelle, je dormais avec, elle avait toujours des bonbons, des bonnes choses, des chocolats, plein de... La mienne était ma deuxième maman chaque fois. Ouais, la mienne, elle m'a élevée pendant 10 ans, et c'était vraiment une maman, une deuxième maman très, très impliquée et très présente dans ma vie, et je trouve que c'était... Les mamies marquent. Merci d'être venu, en tout cas, partager ce petit moment de discussion. Grand merci à vous, Christine, Madame la Présidente de la radio, Lionel, merci pour cette émission, Jérôme, merci beaucoup pour l'émission et pour les échanges. Et Je prends juste pour souhaiter à toutes les Portugaises et tous les Portugais, et qu'ils soient de nationalité ou de cœur, bah le meilleur pour vous, pour vous. Et ce soir, il y a un Porto Benfica. Ça mange de politique en football. Voilà. Alors, merci meilleur gagne, pour l'opportunité. Voilà que le meilleur gagne. Comme disait ma grand-mère. Vous savez, un jour, je me souviens d'un des souvenirs que j'ai de ma grand-mère, c'est que, on faisait tous la fête et elle, à un moment donné, elle dit dans un portugais, monsieur, que diable de pregoeiro é este? Sabe-vos? O Benfica ganhou o campeonato. Ganhou? Olha, o senhor nos dê paz a todos. Moi, je préfère que ça soit Porto qui gagne, parce que Benfica, c'est point que Porto et Sporting, ils risquent d'être meilleurs. Gagner le championnat. Que le meilleur gagne, comme tu dis. C'est et ça. Un grand, grand merci. Et un bon dimanche à tous. Jérôme, à dimanche prochain. À dimanche. Avec Maisie. Avanzi. Esta canção que eu escrevi, minha vozinha, é para ti, pelo teu amor e carinho. Corrias atrás de mim, sabes bem que era assim, brincavas com teu netinho. As histórias ao serão, o calor da tua mão,